salaire. Mon salaire, c'est le salaire de la sueur. Descendre de bosse 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. Faut quand tes yeux autour de toi, le syndicat se moque de toi. Regarde ces guillons qui nassent, ils n'arrivent pas à la godasse. Les autres ne sont pas sérieux, c'est à celui qui te pèsera le mieux. Le patronage, je t'en parle même pas, il n'est bon que pour les coups bas. T'es plus la gueule sous les coups de fric. Tu n'es qu'un violence régime de flic. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de bosser 8 heures. Ton salaire c'est le salaire de la sueur.